avec notre passé pour guide. On se devrait d'être lucide, mais notre méfiance est tabou. L'amour est bien plus fort que nous. On espère où qu'on se résigne. Quand il le veut, il nous désigne. Voilà, ça devait être à nous. L'amour est bien plus fort que nous. Quand tu es près de moi, qui ferme, le temps s'habille de mystère. Devait être à nous. L'amour est bien plus.